Je redave dans ma ville, à part une Laguna Ghetto. Flo me parle de fou, VNAR, se roule un béto. Ride en toute insouciance, je mate le cul d'ego. Je suis dans ma propre mouvance, bien sûr, tu me écho. Je suis le genre de mec réglo, même si j'ai quelques dettes. Je suis pas un cistro, mais je connais quelques têtes. Je rappe et tu crois que j'ai teasé ou fumé quelques pets. Parce qu'il n'y a qu'un putain de drogué pour qui ait de tels textes. J'arrive du 45, un peu comme un cheveu dans la pessou. Insolent sûr de moi, comme si j'avais la carrière à peu snou. J'ai mis la pédale douce sur mes jets depuis ce fameux jour où j'ai cramé un de mes skates dans la baraque d'un client de feu chenou. Vieux fou, bouge ton derche, pose tes yokou. Va faire ton putain de zeille au lieu de t'interroger sur ce que je fous. No pain, no gain, mo money, mo problème. Plus gros sont les bonnets, plus on est au peine. J'parle salement, mais c'est ce qui fait mon charme. Mes parties, mes hustlers crient ok, ok. Prêt dans les clips, histoire de plaire aux femmes. En bien ou en mal, ça ne parle que de danser, okay. J'parle salement, mais c'est ce qui fait mon charme. Erreur, team et hustle, leur cri. Ok, ok. Prêt dans les clips, histoire de plaire aux femmes. En bien ou en mal, ça ne parle que de danser. Mais pourquoi payer le tel haut, chérie, vu que j'ai ma go? Pourquoi te voir pour autre chose que pour Ken, chérie, vu que j'ai ma go? Legging Panther, père de Jimmy Choo, gloss. Tu me donnes envie de prendre soin de toi comme un youth de son clock. Mon son tape la démarche, regarde vers gras. L'amour du buff, ma grande gueule, c'est ce qui me perdra. Bouge les up, gauche à droite, bébé, fais plaisir à dos. Summer crack, ouais ouais, jusqu'à l'overdose. J'suis seul sur ma planète, mais plusieurs dans ma tête. R.O.I, j'te dis en trois lettres ce que je m'apprête à être. J'écoute des chansons douces le soir pour trouver le sommeil. Ma vie est déjà dure et mon rap l'est aussi. J'veux de l'oseille, j'ai le cul posé sur le toit du monde. J'laisse les autos ground zéro. J'suis tout marron et attachant comme un gramme d'héro. Chimie, chimie, yo, chimie, yeah, chimie, yo. Appelle-moi Do, c'est la famine, parabellum, CEO. J'parle salement, mais c'est ce qui fait mon charme. Mes parties, mes hustlers qui, ok, ok. Prêt dans les clips, histoire de plaire aux femmes. En bien ou en mal, ça ne parle que de danser, ok. J'parle salement, mais c'est ce qui fait mon charme. Mes parties, mes hustlers qui, ok, ok. Prêt dans les clips, histoire de plaire aux femmes. En bien ou en mal, ça ne parle que de danser, danser.